Après les promesses et les lois, après les chutes et les retours, il reste ce moment devant toi où l'homme parle à son tour. Tu demandes ce que l'on choisit, ce que l'on remet entre tes mains, non par contrainte mais par désir, non par peur mais par chemin. Ce n'est plus un ordre venu d'en haut, c'est une réponse qui monte d'en bas. Un oui fragile mais sincère qui s'élève jusque-là. Je me consacre à toi de tout ce que je suis. Je dépose entre tes bras mes biens, ma force, ma vie. Je me consacre à toi, sans retour en arrière. Je marche désormais dans la lumière de ton regard. Tu sais ce que vaut chaque engagement. Tu connais le prix des mots donnés. Tu vois au-delà des promesses la vérité de nos pas secrets. Tu n'attends pas la perfection, ni des serments trop grands pour nous. Tu veux un cœur qui reste fidèle, même quand le chemin devient flou. Ce que tu cherches n'est pas l'éclat, mais la constance des petits pas. Un amour qui revient chaque jour, même quand l'élan n'y est pas. Je me consacre à toi de tout ce que je suis. Je dépose entre tes bras mes biens, ma force, ma vie. Je me consacre à toi sans retour en arrière. Je marche désormais dans la lumière de ton regard. Même si mes forces se fatiguaient, même si mes promesses tremblaient, je reviens poser devant toi ce que je sais t'appartenir déjà. Ce n'est pas l'or ni les serments qui tiennent une vie devant toi, mais un cœur qui revient souvent, même quand il ne comprend pas. Je me consacre à toi de tout ce que je suis. Je dépose entre tes bras mes biens, ma force, ma vie. Je me consacre à toi, je me consacre à toi, sans retour en arrière, sans retour en arrière. Je marche désormais dans la lumière de ton regard. Tout ce que je suis est à toi, tout ce que je serai pour toi. Et dans le silence de mes jours, je te redis encore, me voici. Nous te redisons, nous voici.